إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 14 dans la lecture du livre Sharh Kitab Adab al-Mashi ila al-Salah, c'est-à-dire l'explication du livre des règles et des étiquettes de la marche vers la salat. Et c'est un livre écrit par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab sur le fiqh dans les ibadat, le fiqh dans les actes d'adoration. Et il explique, on a expliqué déjà beaucoup de choses dans ce livre déjà au sujet de la salat, et on continue donc à ce sujet, dans le même sujet. Et maintenant on est rendu dans l'explication de la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Na'am. Et on lit ce livre avec l'explication de Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala. Et donc le point où on est arrivé, c'est le suivant dans le livre. Il dit le Cheikh qawluhu ثم يرفع رأسه مكبرا قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه لحديث وائل إلا أن يشق لكبر أو مرض أو ضعف ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى إلا في تكبيرة الإحرام والاستفتاح ولو لم يأتي به في الأولى. Donc le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il dit, puis il lève sa tête en disant le takbir. Il lève sa tête en disant le takbir, hein, et il se tient sur ses pieds. Il se tient sur ses pieds en s'appuyant sur ses deux genoux, basé sur le hadith de Wa'il, excepté si cela est difficile pour lui à cause de son âge avancé ou à cause d'une maladie ou à cause d'une faiblesse quelconque. Puis il commence à prier la deuxième raka'a, hein, après avoir fait les deux prosternations. Il se relève, hein, et il commence la deuxième raka'a. Il la fait comme la première. Il fait la deuxième raka'a comme la première, excepté le takbiratul ihram. Il ne fait pas takbiratul ihram et il ne fait pas le dua al-istiftah au début de la prière, comme il l'a fait au début de la prière. Il dit, même si au début de la prière il n'a pas fait le dua de al-istiftah, de l'ouverture de la prière, il n'a pas fait l'invocation avant Al-Fatiha, même s'il ne l'a pas fait, il ne l'a fait pas dans la deuxième. Hein? Le Cheikh, maintenant, il va expliquer ce point-là. Il dit, تقدم ذكر حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه عند النزول للسجود، وقد جاء في صحيح البخاري من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. والمعنى أنه بعد السجود في الركعة الأولى من كل صلاة وبعد السجود من الركعة الثانية من الصلوات الرباعية يجلس جلسة خفيفة تسمى جلسة الاستراحة، ليكون قيامه في الركعة الثانية والرابعة من الجلوس لا من سجود، وهي مستحبة وليس فيها ذكر. Donc ici le cheikh il explique que on a déjà mentionné le hadith de Wa'il. On a déjà mentionné le hadith de Wa'il au sujet de la prosternation. Et ça c'est un hadith qu'on avait lu justement dans les cours précédents. C'est-à-dire l'avant-dernier cours. On avait lu le hadith de Wa'il au sujet de la prosternation. Et le hadith de Wa'il, ra'aytu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam sajada yada'u rukbatayhi qabla yadayhi wa idha nahada rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Na'am, donc ça c'était le hadith en question. Et il y avait un autre hadith aussi qui rapportait selon Wa'il, si je ne me trompe pas. Ok, c'est ça. Donc ça c'est le hadith que le cheikh il mentionne ici, il fait allusion à ce hadith là. C'est à propos de la descente pour la prosternation, comment on doit se prosterner lorsqu'on est debout. Après le recours, on se relève et comment on doit se pencher pour se prosterner. Et on avait mentionné la question, est-ce qu'on descend sur les mains en premier ou sur les genoux, hein? Donc si vous vous souvenez de ça, on en a parlé, on avait expliqué qu'est-ce qui avait été dit à ce sujet-là, qu'il y avait deux positions parmi les positions des ulama, et que les deux positions sont valides. Naam. Donc ensuite, le cheikh il dit ensuite, et il est mentionné également dans Sahih al-Bukhari, le hadith qui est rapporté par Malik ibn al-Huwayrith, radiyallahu anhu. Il dit qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il priait une unité dans sa salat, il ne descendait pas pour se prosterner. Lam yanhad hatta yastawi qa'idan. Ici, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il terminait la première raka'a, il ne se relevait pas tant qu'il ne s'était pas assis avant de se relever. Et c'est ce que le cheikh il explique ici, cheikh Abdel Mohsen. Il dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait le sujoud après la première raka'a, quand il terminait la première raka'a de chaque prière, après s'être prosterné dans cette raka'a, dans la première raka'a, et il dit également dans la troisième raka'a, hein, dans les prières qui ont quatre raka'a, donc soit la première, si c'est une prière qui a deux raka'a, ou bien la première et la troisième dans les prières dans lesquelles il y a quatre raka'a. Avant de se relever, il s'assoyait une jalsa, on dit en arabe jalsa tul istiraha. Yani, qu'est-ce que ça signifie si on traduit ça littéralement? C'est-à-dire une assise de repos. C'est-à-dire tu t'assois légèrement, quelques instants. Yani, pas longtemps. Yani, quelques secondes, même une seconde ou deux secondes. Tu t'assis et puis tu te relèves avant de te relever. Tu t'assois quelques secondes en te relevant de la prosternation. C'est-à-dire, comme le cheikh il explique ici, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de se relever, il restait assis quelques secondes, hein, il s'assoyait légèrement, quelques secondes, quelques instants, avant de se relever, soit pour la deuxième rakat ou soit pour la quatrième rakat. Hein. C'est-à-dire que quand il se relevait debout, il ne se relevait pas directement de la prosternation à la position debout. Hein, comme parfois certaines personnes qui le font. Ils sont prosternés, puis directement ils se poussent, puis ils se relèvent directement debout. Donc le cheikh il explique que la sunna, c'est avant de se relever, de s'asseoir quelques instants, puis de se relever à partir de la position assise. Et ça, c'est recommandé. C'est-à-dire que si quelqu'un ne le fait pas, yani, sa prière sera quand même correcte, sera quand même valable. Sauf que il a manqué, il manque une sunna dans ce cas-là, s'il ne le fait pas. Et il n'y a pas de rappel spécifique ou de dua ou de dhikr spécifique à faire durant cette jalsa, qu'on appelle jalsa al-istiraha. D'accord ? Donc ça c'est yani, juste avant de se relever, comme on a dit, quand on se relève pour la deuxième raka ou la quatrième raka, on prend une légère pause en s'assoyant avant de se relever. Et ça c'est quelques instants, c'est pas long. Après le cheikh il dit ثُمَّ يَأْتِي بِالرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ كَالْأُولَى إلا في تكبيرة الإحرام فهي لا تكون إلا في الركعة الأولى ثم يأتي بالركعة الثانية كالأولى إلا في تكبيرة الإحرام فهي لا تكون إلا في الركعة الأولى وبها يكون الدخول في الصلاة وكذا الاستفتاح لا يكون إلا في الركعة الأولى وهو مستحب وأيضا تكون الركعة الأولى أطول من الثانية لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب والسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية ويسمع الآية أحيانا وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب والسورتين وكان يطول في الأولى وكان يطول في الركعة الأولى يعني من صلاة الصبح ويقصر في الثانية رواه البخاري. Donc le cheikh il explique ici que le prophète صلى الله عليه وسلم il faisait ensuite, après avoir terminé la première raka'a, donc il fait les deux sujoud, puis avant de se relever pour la deuxième, il s'assoit légèrement quelques instants avant de se relever, hein, qu'on a dit, comme on vient de l'expliquer, jalsatul istiraha, puis il se relève en faisant le takbir, hein, il se relève à la position debout en faisant le takbir. Quand une fois qu'il est debout, il fait pas un nouveau takbir comme takbiratul ihram, le premier takbir que tu dis pour rentrer dans la salat. Ça, c'est seulement dans la première rak'at que tu le fais. Et il dit, le takbiratul ihram, c'est le premier takbir, tu le fais uniquement pour rentrer dans la salat lorsque tu commences au début. Hein? Le takbir que tu fais quand tu es assis pour te relever, c'est tout. Mais une fois que tu es debout, tu n'as pas un autre takbir à faire. Hein? Comme tu fais pour la première rak'at, ça c'est pas. Tu le fais pas. Tu le fais seulement pour la première. Puis, en ce qui concerne le dua que tu fais après takbiratul ihram, qu'est-ce qu'on appelle dua l'istiftah, on en avait parlé, eh ben, ça non plus on le fait pas dans la deuxième, ni dans le reste de la salat. On le fait seulement dans la première rak'at, ça. D'accord? Et, de le faire dans la première rak'at, c'est uniquement recommandé, c'est pas obligatoire. D'accord? Il dit wa aydan takunu ar-rak'atul ula. Une autre chose aussi qui est importante par rapport à la sunna, par rapport à la prière, c'est que la première rak'at que tu fais, elle devrait être plus longue que la deuxième. D'accord? C'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. c'est que quand il faisait sa salat, il faisait pas, par exemple, la première rak'at de la même longueur que la deuxième, ou plus courte que la deuxième. Non, il commençait en général par une sourate. Il récitait une sourate qui est plus longue dans la première rak'at, puis la deuxième rak'at, il récitait quelque chose qui est un peu plus court que la première. Hein? Et donc, c'est ce qu'il explique ici. Il dit que sa première rak'at était plus longue que la deuxième. Et ça, c'est basé sur le hadith qui est rapporté selon Qatada, radiyallahu anhu. Il dit que, Abu Qatada, radiyallahu anhu, il dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il récitait dans les deux rak'at, les deux premières rak'at de Salat al-Dhuhr, il récitait la Fatiha, puis deux autres surahs, c'est-à-dire après la Fatiha, il récitait une surah pour la première rak'at, et cette surah était plus longue dans la première rak'at que dans la deuxième. La première était plus longue, et dans la deuxième, il raccourcissait un peu plus, c'est-à-dire était moins long que la première rak'at. Et parfois, il laissait entendre un verset parmi les versets qu'il récitait dans Salat al-Dhuhr. On sait que la prière de Salat al-Dhuhr, elle est faite à voix basse, hein, de façon à ce que les gens n'entendent pas la récitation de l'imam. Mais parfois, ça arrivait qu'il laissait entendre certains versets. Hein. Donc, certains versets, par exemple, il allait laisser les faire entendre plus fort que d'autres. Comme par exemple, il va dire, quand il récite, bon, il va réciter à voix basse. Donc, c'est comme certains versets, il récite plus fort que d'autres, comme ça, on peut les entendre. Mais il faisait ça comme ça, il y en a pour certains versets, c'est pas spécifique. Il n'y a pas un verset spécifique qu'on doit faire entendre à haute voix plus que les autres. Yani, c'est juste pour dire qu'on savait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il était en train de réciter quelque chose. Et dans la prière de Asr également, il récitait la Fatiha, puis une autre surah après. Et dans la deuxième raka, il la faisait plus courte que la surah qu'il récitait était plus courte que la surah qu'il récitait dans la première raka'at. وَكَانَ يُطَوِّلُ. Donc dans la prière de Subh, le matin, il récitait une sourate plus longue pour le matin, et dans la deuxième raka'a de Salat al-Subh, il récitait une sourate qui est plus courte. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari. Le Cheikh, il dit ensuite, et maintenant, il lit les paroles maintenant de Cheikh Mohammed, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il dit, ثم يجلس للتشهد متفرشا مفترشا جاعلا يديه على فخذيه باسطا أصابع يسراه مضمومة مستقبلا بها القبلة قابضا بيمناه الخنصر والبنصر محلقا إبهامه مع وسطاه ثم يتشهد سرا ويشير بسبابته اليمنى في تشهده إشارة إلى التوحيد يشير بها أيضا عند دعائه في صلاة وغيرها لقول ابن الزبير كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها رواه أبو داود فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأي تشهد تشهده مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز والأولى تخفيفه والأولى تخفيفه وعدم الزيادة عليه وهذا التشهد الأول ثم إن كانت الصلاة ركعتين فقط صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويجوز أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مما ورد وآل محمد يعني أهل بيته. وقوله التحيات أي جمع التحيات لله تعالى مستحقا وملكا، والصلوات يعني الدعوات والطيبات الأعمال الصالحة. فهو سبحانه يحيي ويحيي فهو سبحانه يحيى ولا يسلم عليه لأن السلام دعاء. Donc ici le cheikh il explique, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit, puis il s'assoit pour le tashahhud, hein, et il s'assoit dans la position yani, qu'on appelle muftarishan, c'est-à-dire yani, il pose son pied gauche sur le sol, il s'assoit dessus et il dresse son pied droit, hein, en pointant ses orteils vers la qibla et en dressant le pied vers, hein, de façon perpendiculaire avec le sol. Donc son pied est arqué et ses orteils pointent vers la qibla, puis il est assis sur son pied gauche, sa jambe droite elle est pliée à côté de, sur son côté droit, et son pied, les orteils pointés vers la qibla et le pied dressé, hein, de façon comme si perpendiculaire. Le mieux c'est de voir une image ou bien de voir une vidéo qui montre la description, ou bien de demander à quelqu'un de nous montrer l'exemple physiquement. Parfois c'est difficile de décrire ça avec des mots, ou bien on peut le décrire mais on n'arrive pas vraiment à l'imaginer comme il faut, à le voir comme il faut, sans qu'on ait un exemple pratique pour nous montrer. Donc le mieux c'est de voir un exemple de quelqu'un qui nous montre comment faire cette position là avec les pieds et avec les jambes. Sinon de voir, des fois il y a des exemples aussi des gens qui font des prières comme ça, qui nous montrent la façon de s'asseoir dans la salat, en photo ou en image ou en vidéo aussi. Aussi, ensuite il dit ja'ilan yadayhi ala fakhidayhi. Donc quand tu es dans la position assise, ça c'est après avoir terminé la deuxième raka'a, hein, après avoir terminé la deuxième raka'a, tu vas mettre tes mains sur tes cuisses, sur le bout de tes cuisses, presque à la hauteur de tes genoux là, hein, et tu redresses tu laisses tes doigts, hein, étendus sur tes cuisses, bien sûr le bout de l'extrémité de tes cuisses comme ça, et ta main droite tu vas pointer ton doigt, tu vas fermer ta main droite, hein, tu fermes ta main droite comme pour faire un point, sauf que ton doigt, ton index, tu le laisses pointer vers la qibla. Donc tu fermes ta main droite comme pour faire un point, puis tu laisses ton index, hein, ton index pointé vers la qibla. Ton doigt, ton pouce et ton majeur, hein, se touchent pour faire comme un cercle, tandis que ton index est pointé vers la qibla. Et wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Puis tu fais le dua qu'on appelle le tashahhud de façon à voix basse, hein, à voix basse, et donc tu fais le tashahhud à voix basse en pointant ton doigt encore une fois, et le fait de pointer le doigt, ça c'est pour indiquer l'unicité d'Allah, pour indiquer le tawhid. Et également, pendant que tu continues ton dua, hein, tu vas pointer ton doigt dans la salat. Et ça, c'est basé sur le hadith qui est rapporté selon Ibn Zubayr, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il pointait son doigt lorsqu'il faisait le dua et il ne le bougeait pas. Il dit, il ne le bougeait pas. C'est rapporté par Abu Daoud. Et il dit, At-tahiyyat, donc le dua de tashahhud, c'est le suivant. Il y en a plusieurs versions authentiques qui sont rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En voici une. At-tahiyyatu lillah wa salawatu wa tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ça c'est le tashahhud. Ça c'est le tashahhud que tu récites. Si c'était ta deuxième raka'a, hein, tu te relèves pour faire la troisième. Si c'est une prière, si c'est une salat qui a trois ou quatre raka'at, tu te relèves après avoir fait le tashahhud et tu continues ta prière. Toutefois, si c'était une salat que tu fais qui a deux rak'at seulement, eh bien là, dans ce cas-là, yani, tu vas faire le dua yani, sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu vas faire le dua pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam après avoir fait le tashahhud. Donc, il dit, le cheikh, que tu peux faire le tashahhud que tu veux parmi les différentes narrations, les différentes versions de tashahhud qui ont été rapporté de manière authentique de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le préférable, qu'est-ce qui est mieux, c'est de faire une version qui est plus facile, plus légère, et de ne pas ajouter quoi que ce soit à ce qui est mentionné dans le tashahhud. Ça c'est, comme on a dit, c'est le premier tashahhud. Tu le fais lorsque tu pries une prière yani, et que tu vas t'arrêter là. Si c'est une prière de 3 rak'at ou de 4 rak'at, tu vas juste faire tashahhud, tu te relèves. Toutefois, si c'est une prière qui est de 2 rak'at seulement, alors là, dans ce cas-là, tu vas terminer ta prière avant de faire le taslim, avant de dire assalamu alaykum, tu dois réciter le dua sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est, qu'est-ce qu'on appelle en arabe, as-salatul ibrahimiyya, la prière sur Abraham et sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu vas dire Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim ou ala ali Ibrahim wa ala, parce que en fait ici la version qu'il a mentionné, ça dit wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Ça c'est une version. Il y a une autre version, c'est Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Donc tu vas dans la partie où tu mentionnes, tu vas dire ala وعلى آل إبراهيم وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم. Tandis que dans cette version qu'il a mentionné, le cheikh, il dit seulement على آل إبراهيم seulement. Il dit pas على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. Et le cheikh il dit يعني tu peux réciter n'importe quelle des différentes prières qui ont été rapportées authentiquement de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment faire la salat sur le prophète comme celle que j'ai mentionnée. Il y a celle-ci, et il y a l'autre version que j'ai mentionnée aussi, et il y en a d'autres également. toutes ces versions-là sont permises. Si elles sont authentiques, tu peux les utiliser. En passant juste un point, il n'y en a aucune de ces versions qui mentionne le terme Sayyidina. Des fois, vous allez entendre des gens qui rajoutent « Ala Sayyidina Muhammad » ou « Ala Sayyidina Ibrahim ». Il n'y a aucune des versions qui mentionne « Sayyidina ». Et il y a une explication de ça en détail dans le livre de Cheikh Al-Albani, où il mentionne justement toutes les différentes versions authentiques de « As-Salat al-Ibrahimiyya » et dans son livre « La description de la prière du prophète » sallallahu alayhi wa sallam, et il n'y en a aucune qui mentionne « Sayyidina ». D'accord ? Donc, ce n'est pas bien de rajouter quoi que ce soit dans l'exemple de la prière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignée. Ensuite, le cheikh, il explique que quand on dit « Al », « Ala Ali Ibrahim »,« Ala Ali Muhammad », qu'est-ce que ça veut dire « Al » Il dit que « Al-Al »,« Al-Muhammad »,« Al-Ibrahim »,« Al »,« Al » en arabe, ça veut dire « Ahlu Baytihi », c'est-à-dire sa famille, sa maison, les gens de sa maison, c'est-à-dire sa famille. Et « At-Tahiyat », ça veut dire quoi? Il y en a les salutations. C'est-à-dire, toutes les salutations appartiennent à Allah. Et il les mérite, et elles lui appartiennent. As-salawat, c'est les invocations, les différentes invocations. Et at-tayyibat, c'est toutes les bonnes actions. Et, comme on le sait, on ne doit pas dire as-salamu ala Allah. On ne dit pas la paix sur Allah ou bien assalam ala Allah. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui assalam. C'est lui qui est assalam. Donc on ne dit pas assalam ala Allah. Mais on a le droit de le saluer. On a le droit de dire attahiyatu lillah. Wassalawatu wa tayyibat. Et ensuite, le cheikh Abdul Muhsin, il explique maintenant tout ce qu'on vient d'expliquer. Il dit يجلس المصلي في التشهد الأول مفترشا رجله اليسرى ناصبا قدمه اليمنى مستقبلا بأصابعها القبلة لحديث أبي حميد رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قوله فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى وناصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته رواه البخاري ورواه الترمذي ولفظه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يعني للتشهد فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته. عليكم السلام. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخرجه النسائي وقد تقدم قريبا في الجلوس بين السجدتين. Donc le cheikh il explique ici que lorsque la personne qui fait la salat, elle a complété les deux premières rak'at, elle va faire le premier tashahhud. Et le premier tashahhud, elle le fait dans la position qu'on appelle muftarishan. Il est muftarish. C'est-à-dire que son pied gauche, il est assis. Son pied gauche, il est posé, allongé sur son flanc gauche, ou bien sur le côté gauche, allongé par terre, il est assis dessus. Donc ses deux jambes sont pliées, en dessous de lui. Son pied gauche, il s'assoit dessus en l'allongeant sur le côté gauche, par terre. Et sa jambe droite est sur son côté droit, tandis que ses orteils sont pliés par devant. Ses orteils sont pliés par terre, sont écrasés par terre, et il dresse son pied vers le haut. Ça, c'est cette position qu'on appelle l'iftirash. Et ça, c'est basé sur le hadith qui est rapporté selon Abi Humeid dans la description de la salat du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il mentionne donc cette description-là. Et il mentionne également que c'est rapporté par Al-Bukhari et Al-Tirmidhi. Et il mentionne donc les deux versions en question. Et on en a parlé déjà, on a cité ça quand on a parlé de la façon dont on doit s'asseoir entre les deux sajda, entre les deux prosternations. Le Cheikh, il dit, ok, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que peut-être après le dars ou plus tard, peut-être quand j'aurai le temps, je vais poster une image sur Twitter sur laquelle il y aura la description des façons de s'asseoir dans la salat, qui va aider donc à savoir qu'est-ce que c'est cette description-là ou qu'est-ce que c'est cette façon de s'asseoir. Parce que c'est un petit peu difficile à décrire en mots, c'est mieux de l'expliquer avec une image. Et même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il enseignait aux sahaba comment faire la salat, il l'enseignait par l'exemple pratique. Il leur montrait directement et physiquement comment faire la salat. Donc la meilleure manière d'enseigner la salat, c'est de l'enseigner en montrant l'exemple aussi. Donc étant donné que là en ce moment on n'a pas moyen de faire ça, donc on va compenser ça en envoyant plutôt un exemple de la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait, comment il nous a enseigné comment on doit s'asseoir avec une image. Ça va peut-être aider à comprendre un peu plus facilement la signification de ce qu'on vient d'expliquer. Le cheikh, il explique ensuite, il dit, deuxièmement, يَضَعُ الْمُصَلِّ فِي تَشَهُدِهِ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَيَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رواه مسلم وحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما رواه مسلم وفيه أيضا ويلقم كفه اليسرى ركبته أو يضع يده اليمنى على ركبته اليمنى ويده اليسرى على ركبته اليسرى لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ورواه مسلم وحديث عبد الله بن الزبير رواه النسائي وحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. Donc ici le cheikh il explique que la personne qui fait la salat, elle place sa main droite quand elle fait le tashahhud, elle va mettre sa main droite sur sa cuisse droite et sa main gauche sur sa cuisse gauche. Et c'est basé sur le hadith d'Abdullah ibn Omar, rapporté par Muslim, et Abdullah ibn Zubair, rapporté par Muslim aussi. Et Naam, il explique aussi que il le met sur son genou. Sur son genou. Sa main droite sur son genou droit, sa main gauche sur son genou gauche. Donc quand on dit la cuisse, là c'est plutôt le genou, le bout du genou, quand tu fais le tashahhud, quand tu es assis, après la deuxième raka'at, ou après la quatrième raka'at, ou la troisième, si c'est la salat al-maghrib. Et le cheikh, il dit, يَقْبِدُ الْمُصَلِّ فِي تَشَهُدِهِ أَصَابِعَ يَدِهِ الْيُمْنَى لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رواه مسلم ويضع إبهامه على أصبعه الوسطى لحديث عبد الله بن الزبير رواه مسلم أو يقبض أصبعين يحلق الإبهام مع الوسطى لحديث وائل بن حجر ورواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن. Donc il dit, tu mets ta main droite sur ton genou, comme on a dit, mais tu fais avec ta main droite comme un poing. Tu l'étends pas, la main gauche, tu l'étends, normal. Hein? Sur tes doigts étendus sur ton genou gauche. Ta main gauche étendue sur ton genou gauche. Et tes doigts allongés, hein, sur ton genou gauche. Tandis que ta main droite, elle, tu fais un point avec. Et qu'est-ce que tu fais? Tu touches avec le point de tes doigts ton pouce et ton majeur, hein, et tu laisses pointer ton index vers la qibla. C'est comme ça que ta main droite doit être positionnée sur ton genou, hein, sur le bout de ta cuisse là, près de ton genou. Donc ta main droite, elle est fermée, sauf que tu rattaches le bout de ton pouce avec ton majeur et avec ton index, tu pointes vers la qibla. Ça, on va l'expliquer, parce qu'on a lu le fait qu'il faut fermer les doigts pour la main droite, on ferme le poing, mais la question de pointer vers la qibla, ça c'est dans la suite. Le point numéro 4, le cheikh il dit yushiru fi tashahhudihi bisababatihi li hadith Abdullah ibn Zubair radiyallahu anhuma rawahu Muslim wa hadith Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma wa fihi ورفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا به رواه مسلم وحديث وائل بن حجر رضي الله عنه وفيه ونصب أصبعه للدعاء بإسناد حسن وفي لفظ له وفيه ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها ويدعو بها. Donc il explique que également tu dois pointer ton doigt index, tu dois pointer avec pendant que tu fais ton tashahhud. Ok, c'est rapporté dans le hadith d'Abdullah ibn Zubair, rapporté par Muslim selon Abdullah ibn Zubair, et également dans le hadith rapporté par Abdullah ibn Umar. Et il dit dans ce hadith là que il lève son index en faisant le dua. Pendant qu'il fait son dua, il lève son index. Et également le hadith de Wa'il dans lequel il dit et il dresse son doigt pendant qu'il fait le dua. Donc pendant le tashahhud, tu lèves ton doigt. Et ça c'est rapporté avec par An-Nasa'i, avec une chaîne qui est bonne, Hassan, qui est authentique. Et il y a une autre narration de Wa'il ibn Hajar aussi qui dit dans An-Nasa'i, il mentionne qu'il lève son doigt et il dit je l'ai vu bouger son doigt pendant qu'il faisait l'invocation. Donc tu le dresses ton doigt et en même temps tu le bouges, d'accord? Donc ça c'est ce qui est rapporté. Il dit le point numéro 5, وَيَنْظُرُ فِي تَشَهُدِهِ إِلَى سَبَّابَتِهِ. Là, il explique maintenant, pendant que tu fais le tashahhud, où est-ce que tu regardes? Est-ce que tu regardes en haut le plafond, ou bien tu regardes à côté, ou autour de toi, ou là où tu te prosternes, ou bien tu regardes ton doigt? Le cheikh, il dit, la personne, quand elle est dans le tashahhud, elle regarde son doigt, son index. Elle pointe son regard vers son index. C'est rapporté, il dit, le cheikh, il dit, les hadiths d'Abdullah ibn Zubayr, radiyallahu anhuma, wa lafzuhu, la yujawizu basaruhu isharatahu, rawahu Abu Dawud. Wa hadithu Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, wa fihi, wa ashara bi asbu'ihi, allati tali l'ibhamu, fil qibla, ورمى ببصره إليها أو نحوها رواه النسائي بإسناد صحيح. Donc ici il y a le fait de pointer le regard vers l'index, hein, pendant que tu es dans le tashahhud. Et tu ne dépasses pas ton regard de ton index. Tu ne dépasses pas ton regard, l'index de ta main. Et dans l'autre narration qui est rapportée selon Ibn Omar, radiallahu anhuma, il dit, et il pointe avec son doigt, le doigt qui est à côté du pouce, c'est-à-dire l'index, vers la qibla. Et il regarde son index avec, il pointe son regard vers son index ou dans cette direction-là. Il est autour de cette région-là. C'est-à-dire autour de son doigt. Il regarde son doigt. Et donc, ça, c'est rapporté par An-Nasa'i avec un hadith authentique, une chaîne de transmission qui est authentique. Il dit ensuite, le point numéro 6, Yushiru bisababatihi fi du'a'ihi fi ghayr as-salah li hadith Abi Hurayra رضي الله عنه ولفظه أن رجلا كان يدعو بأصبعيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أحد أحد أحد رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح غريب وحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ولفظه مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بأصبعي فقال أحد أحد وأشار بالسبابة أي نعم وروى النسائي بإسناد صحيح وفي صحيح مسلم عن عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه أنه رأى بشر ابن مروان على المنبر رافعا يديه فقال قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا أشار بأصبعه المسبحة والحديث الذي أشار إليه الشيخ رواه Abu Daoud. Donc ici le cheikh il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait ses doigts, yani, il indique, il pointe avec son doigt quand il fait des invocations en dehors de la salat aussi, et il disait que il est rapporté selon Abu Huraira radiallahu anhu qu'un homme faisait des doigts avec deux doigts. Il pointait deux doigts. Oui, il pointait avec deux doigts. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, pointe avec un doigt. Utilise un doigt. Ahid. Yani en voulant dire, pointe avec un seul doigt, pas deux. Et dans une autre narration, la même chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu un homme, yani, qui faisait un doigt avec ses deux doigts. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Utilise un seul en pointant avec son index. Et ça, c'est rapporté par An-Nasa'i avec une chaîne de transmission qui est authentique. Et c'est rapporté également selon, dans le Sahih de l'imam muslim, selon Imara ibn Ru'aybah, qu'il a vu Bishr ibn Marwan sur le mimbar, qui levait ses deux mains. Et il a dit que Allah maudisse ses deux mains. Il a dit qu'Allah maudisse ses deux mains. J'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faisait rien de plus que de pointer avec son doigt. En faisant son doigt. Donc, en voulant dire de ne pas faire autre chose que ça. Lorsqu'il était en train de faire le doigt sur le mimbar. Et il mentionne comme point numéro 7, يأتي المصلي بالتشهد وقد جاء بسير متعددة ويأتي المصلي بواحد مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجمع بين أكثر من صيغة في صلاة واحدة والتشهد الذي ذكره الشيخ هو تشهد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقد جاء في بعض رواياته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم إياه كما يعلمهم السورة من القرآن، وسمي تشهدا لأنه ختم بشهادة بأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا التشهد أخرجه البخاري ومسلم، وعند البخاري بعد ذكر التشهد زيادة وهو بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا السلام يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى أن الصحابة كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بكاف الخطاب، فلما توفي صاروا يقولون السلام على النبي بالغيبة. لكن جاء في تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في موطأ مالك بإسناد صحيح عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن عبد القاري أنه سمع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول التحيات لله، وفيه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بكاف الخطاب. ففي هذا أن عمر رضي الله عنه كان يعلم التشهد وهو على المنبر، ومما علمه هذه الصيغة، وهو يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم جاء عنهم هذا وهذا، والأمر في ذلك واسع. فللمصلي أن يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وله أن يقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. وقد شرح الشيخ رحمه الله في هذا التشهد بشرح واضح في رسالة شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، وفسر هنا الكلمات الثلاث الأولى فيه. Donc le cheikh il termine l'explication de ce point en expliquant que la personne elle fait le tashahhud et elle va utiliser une des formules de tashahhud parmi les nombreuses formules qui ont été rapportées et qui sont authentiques. Et toutefois, s'il utilise une formule ou une version, il doit se limiter à cette version-là dans la salat qu'il fait. Pas ramener plusieurs versions différentes dans la même prière. D'accord ? Et il dit que le tashahhud qu'il a rapporté, le cheikh, c'est le tashahhud de Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. C'est-à-dire, c'est celui qui est rapporté par Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Il dit, il y a plusieurs narrations qui ont été rapportées qui indiquent donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il enseignait le tashahhud aux sahaba, il leur enseignait de la même manière qu'il leur enseignait une sourate dans le Coran. Et on l'a appelé tashahhud, pourquoi ce dua? Parce qu'il termine par le tashahhud, par le témoignage « Ashhadu an la ilaha illallah » Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Donc, étant donné qu'il termine par cette formule-là, c'est le tashahhud, eh bien, yani ash-shahada, donc on l'appelle tashahhud. Et il dit que ce tashahhud, il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et dans la version de Al-Bukhari, après avoir mentionné ashhadu anna Muhammadan, après avoir mentionné le tashahhud, il mentionne un point. Il dit que pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant parmi nous, nous disions assalam, assalamu alayka ayyuhan nabi, c'est-à-dire au début nous disions ça. Puis après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au lieu de dire assalamu alayka ayyuhan nabi, on disait assalamu ala nabi, c'est-à-dire auparavant on disait assalamu alayka ayyuha an-nabi, bénédiction et paix sur toi, ô toi le prophète. Puis après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on disait bénédiction et paix sur le prophète. On disait pas sur toi. On disait seulement sur le prophète. Yani, le cheikh il dit justement que ça c'est une des versions donc, qui fait la différence entre avant et après qu'il soit mort. La différence c'est que avant il disait avec le kaf alayka sur toi, donc comme s'il s'adressait à lui, tandis que dans la deuxième version c'est à la troisième personne, paix et salut sur le prophète. Le cheikh dit toutefois il y a dans d'autres versions comme la version qui a été enseignée par Omar ibn al-Khattab, c'est rapporté dans la Muwatta avec une chaîne de transmission authentique. Selon Abdurrahman ibn Abdul Qari, il dit qu'il a entendu Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qui était sur le minbar et qui enseignait aux gens le tashahhud en leur disant At-tahiyatu lillah ila akhirihi, et dedans il disait Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu. Donc ça c'est la preuve que il y a d'autres versions qui ont été enseignées par d'autres sahaba autre que Abdullah ibn Mas'ud, qui enseignait de dire Assalamu alayka ayyuhan nabi même après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la preuve que yani, on peut l'enseigner de telle façon ou de l'autre, qu'il n'y a rien de mal de dire yani, Assalamu alayka même après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit donc que on a le choix, en fait on a le choix de le dire comme ça ou de l'autre façon, c'est pas un problème. Et c'est ça. Donc il dit qu'il y a une explication détaillée de cette prière qu'on appelle tashahhud dans le livre de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab qui s'appelle Shurut al-Salah wajibatuha wa arkanuha wa wajibatuha. On l'a expliqué ce livre-là déjà, c'est dans les cours sur les conditions de la salat. Donc dans les conditions de la salat, c'était dans le début du livre, on a parlé de l'explication de cette prière-là. C'était à quel endroit, Tashahhud? C'était le cours 11. Donc ceux qui veulent retourner au cours 11 des conditions de la salat, de ses piliers, de ses obligations, vous pouvez retrouver les détails à ce sujet-là. Donc nous, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera l'explication de la suite au prochain cours, Inch'Allah. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.